Dis donc, il est giron, ton petit sommelier. Le bon cru, ouais. Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans les bons crus. Bonsoir. Donc ce soir c'est la récolte, février. Bon, on est au début mars, mais on va parler des sorties de février. Et on va commencer par un album qu'on a tous les deux apprécié, je crois, c'est l'album de Laylo. Ouais, je trouve que c'était une belle qualité d'album. Après, il faut vraiment rentrer dans son univers. Là, cet univers Matrix un peu, tu vois. Ouais, clairement. Bon, de toute façon, il s'appelle Trinity, donc enfin... voilà, c'est vraiment Trinity, la meuf dans Matrix. Et voilà, on en a discuté sur notre groupe qu'on a entre nous, personnes qui font le bon cru. C'est ça. Voilà. Et il y a eu plusieurs déjà, même sur analyse. Ouais, et puis même sur Twitter, il y a eu plein de trucs. Bon, moi, j'ai pas tout lu. Moi, j'ai rien. Parti dans des. Honnêtement, j'ai absolument rien lu. J'ai juste vu des gens. C'est la première fois que je vois ça. Bon, pour dire que l'album a bien marché, je pense, c'est que... Il y a une grosse hype, hein. Ouais, des gens qui ont fait des analyses, combien de mots par seconde, combien de ceci... Les gars, calmez-vous, mettez trop mal. Mais c'est bien. C'est pas que des mathématiques. Ouais, moi je trouve que c'est un peu de la branlouse, mais c'est moi, mais c'est bien après. Hein, bon, après Laylo, j'ai vu qu'apparemment il a fait 6000 la première semaine, alors qu'il avait fait 600, j'arrondis les chiffres, pour son précédent album. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même... qu'il a vraiment bossé. Mais après, le produit en lui-même, il est cool, mais pour moi, ça restera du Travis Scott réchauffé français, tu vois. Un peu. Ouais, alors il y a un peu de ça. Bon, déjà, un peu pour présenter Laylo, c'est un rappeur qui est de Toulouse. Et il a grandi une partie de sa vie en Tunisie aussi. Donc... Ouais. C'est un rebeu, je crois, non ? Ouais, c'est ça. Et, Il dit dedans, c'est un métis, donc après, je sais pas quel métissage, mais c'est un métis. En fait, il avait fait pas mal de featuring aussi avec des rappeurs marocains. On avait passé un morceau. J'avais passé un morceau avec Shobi, ouais. C'était, d'ailleurs, il était vraiment très bien. Ouais, le clip, il est en motocross dans le désert. C'était lourd ce morceau. Ouais. D'ailleurs, son couplet était vraiment lourd. Mais quand moi je l'ai découvert, en fait, c'était sur Digitalova, donc mixtape en 2017. Et il était déjà dans un délire futuristique. Et lui, ce qui m'a marqué directement, c'est les clips aussi. Ça, on peut en parler, c'est un univers visuel très fort. On s'en était parlé, moi je trouve que c'est vraiment très bien, mais je trouve que quand tu enlèves l'univers visuel de Laylo, je trouve que les morceaux sont un peu moins bien. Mais c'est vrai que ça va avec, en fait. Mais, et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui regarde la musique, qui écoute de la musique en regardant le clip. Mais lui, il a tellement un visuel de ouf que je pense que ça booste le track, tu vois. Et c'est un compliment, hein, parce qu'il y a certains, ils ont un super track, ils ont un clip de merde, tu dis, oh, mais c'est de la merde son clip, tu vois. Enfin, ça ne plaît pas, quoi. Lui, vraiment, ça sublime le produit. Ouais, complètement, et tu vois tout de suite son univers. Donc c'est un peu lui, ce qu'il aime, c'est les villes du futur, quoi, un peu genre Tokyo, ça me faisait penser un peu à Altered Carbon, là, tu sais, la série, là, je sais pas si t'as déjà vu sur Netflix. C'est un truc futuriste, je vais pas en parler, on s'en fout, mais c'est juste les villes, ces villes futuristes, un peu comme finalement comme au cinquième élément, mais en bien mieux, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais il arrive, ce qui est fort, c'est que alors. Les clips, ils sont réalisés par un collectif qui s'appelle TBMA, je crois, un truc comme ça. Et en fait, c'est lui et un de ses collègues sous un alter ego. D'accord. Je crois que c'est Monsieur Anderson, référence à Matrix encore. Ouais. Donc c'est vraiment, je pense, c'est un truc qui les a marqués. Donc tu le retrouves dans sa musique, dans ses clips. Et franchement, c'est hyper cool. Donc, sa direction artistique est très bien gérée, je trouve, parce que franchement, tout est cohérent en fait dans cet album. Mais moi, je me souviens d'une interview aussi sur Yard où il disait un peu en gros qu'il pèterait peut-être jamais. Tu vois, c'était un peu ce discours-là. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 ans, quoi. Ouais, mais... et j'avais adoré Digitalova. Et puis il a sorti Raw, point Raw là, et point Raw Z. Ouais. Que j'ai pas du tout écouté, à part quelques titres qui étaient vraiment pas mal. Mais là, il revient avec un album genre, qui est maîtrisé de A à Z. Et puis c'est assez rare quand même les albums de rap français où il y a toute une histoire de science-fiction, quoi. Et surtout une cohérence, en fait. Ouais, c'est ça. Dans tous les morceaux, il y a de la cohérence. Il y a les petites interludes, les petits trucs. Non, ça va bien, franchement. Il met bien. Et on avait parlé, donc on pense à Matrix, ouais. Mais il y a aussi Her, le film. Ouais. Avec la voix qui où parle. Le mec tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Mais c'est un peu pareil, puisqu'il est amoureux de, ouais, de... Bah, très près, ouais. Après, il y a des interprétations qu'on peut avoir de l'album. Bon. Moi, je retiens surtout certains morceaux. Ouais. Bah, Trinityville, je pense que c'est aussi un de tes préférés. Ouais, c'est mon préféré. La sirène dessus, elle est trop, en fait, elle est trop efficace. Ouais. Et il y a un truc qui est vraiment bien dans son album. C'est... Après, c'est des gens peut-être qui s'en foutent, mais moi, ça m'a vraiment. C'est qu'il est le mixage de tout l'album. Il est cohérent. C'est-à-dire que la personne qui a fait le mixage, il a fait un gros travail sur tous les drums. Ils sonnent pareil et les basses, elles sonnent pareil sur tous les morceaux quasiment. Ouais. Enfin, pas pareil exactement, mais la même couleur. Ça sonne de la même couleur. Et du coup, ça le distingue un peu. Et les arrangements de voix et tout, je trouve que ça fait justement... Ouais, les arrangements de voix, c'est très fort. Hein, les arrangements de voix et l'arrangement des drums et l'arrangement des mélodies et tout ça donnent le côté futuriste, en fait. Ouais. Parce que tu l'écoutes pas mixé, l'album, à mon avis, c'est pas la même patate. Tu vois ce que je veux dire? Le ouais. mec qui a fait ça, il a vraiment hyper bien capté son univers, je trouve. Ouais. Clairement, mais c'est efficace. Hein. Franchement, ouais, tout bien le mixage notes, est grave efficace. Après, moi, j'écoute beaucoup les mixages, les trucs, ça m'intéresse parce que c'est un truc qui me fascine. Les mecs, comme ils arrivent à transformer des sons qui peuvent paraître très banaux et finalement, ils le font step up de fou grâce au mixage. Quoi. Donc, moi, ça m'intéresse. Et là, j'ai trouvé que c'était ouf. Donc, moi, je vous recommande d'écouter l'album. Donc, il s'appelle Trinity. Écoutez-le quand même dans l'ordre. Commencez pas par les singles, je pense, pour avoir l'expérience complète. Et puis, si vous voulez diguer un peu Laylo, redécouvrir ses précédents projets, allez directement à Digital Ova. Je trouve qu'il y avait une vibe un peu caribéenne. Caribéenne, ouais. Ouais, que je kiffais. Genre, le morceau. Il y a le morceau Digital Ova qui est plus futuriste, dans le même esprit que cet album. Mais l'autre morceau, c'était. Je crois que c'est le morceau d'ouverture de l'album. Et puis il y a un morceau avec Joker aussi, Gogo, qui était très cool. Ouais. Et l'équipe était mortelle. Après les featuring dessus sur cet album, tant qu'on en parle, ouais. j'ai trouvé très très très très fort. Pourtant, je suis pas un fan de Alpha One. J'étais sûr. Vraiment très drôle. D'ailleurs, sur Twitter, un peu, c'est tu préfères la Honda Civic ou le Combat Civic. Voilà, ouais. c'était là. Mais il est vraiment percutant et c'est un super couplet. Il lui a lâché un super couplet. Après, je trouve que ça, en plus ils ont deux univers qui n'ont rien à voir et là ça match bien quoi. Ouais. Après les autres couplets de des trucs franchement, Joker, Joker il fait le taf comme ouais, d'hab. Il fait le taf comme il a d'hab. La belle voix quoi, mais ouais. Après le reste ça m'a pas marqué. Tu vois Joker en fait, c'est pas contre moi, je suis pas contre lui hein, mais je trouve qu'il est meilleur quand il fait des sons avec d'autres personnes que quand carrément. Il fait ses propres sons. Tu mais vois lui, parce que c'est sa malédiction, il est meilleur sur les projets des autres. Mais tout le temps. Tu vois, quand il avait fait sur le morceau avec Al Capote, il était ouf. Tu sais, ouais. quand il avait fait avec son groupe. Cigarette. Ouais, non, l'autre. Avec la MZ. Ouais, avec la MZ. Il avait fait le morceau avec la MZ sur les marches de l'empereur qui était ouf. Ah, ouais, ouais. De toute façon, tout le temps, il est ouf. Mais tu vois, par exemple, son truc là qu'il avait fait. On parle pas forcément de Joker là, mais son dernier morceau là, tu sais, où il y a plein de. Où il y a Sadek, machin, tout ça. Ouais, le méga featuring. Nique sa mère, le maire là. ouais. Voilà. Et bien, franchement, dessus, c'est le plus sec. Je trouve. Et alors que ouais. c'est son morceau, il aurait dû vraiment step up. En fait, des fois, je pense qu'il est trop à l'arrache, je pense, tu vois. Je sais pas, mais... Là, il s'est sorti les doigts et c'est bien. Ouais. Bon, alors, on écoute ces deux morceaux et on continue la récolte juste après. Pleine lune sur la ville, flamme sort du pot d'échappement quand je navigue. Elle est prête, elle veut le faire sur le parking. Plein phare, pleine lune sur. Ok. Plein phare, pleine lune sur la ville. Flamme sort du pot d'échappement quand je navigue. Elle chauffe, elle chauffe. Mon cœur, mon cœur sur le parking. Plein phare, pleine lune sur la ville. Ramène ton cul dans la Ramène ton cul dans la caisse. Trinity dans la matrice. Elle a mis que du latex. Flex, elle voudrait que je la blesse. Elle veut même un peu plus. Que tard le soir je l'appelle. Après je veux casser ma puce. Jeune, mais toujours dans les temps. Je surf sur le rap français comme sur tes jambes. M'en veux pour que ma vision devient rouge. Quand je change de mode, ah, putain, se casse un tour. Je sors de tour. Trop d'éther, je les prends à tous. Si c'est juste pour faire la main là, je passe mon tour. Je passe mon business avant tout. Je roule sur ton cœur, j'écrase tout. Plein phare, pleine lune sur la ville. Flamme sort du pot d'échappement quand je navigue. Elle est prête de vous le faire sur le parking. Plein phare, pleine lune sur. Mec, c'est du développement durable. Je vais leur apprendre à me chercher la frappe. J'ai pas le bien que le pire. Numéro 9 de l'équipe. Chaque nouveau projet, je drift. Mais le seul adrénaline. Je pourrais jamais t'aimer jusqu'à l'infini. Pourquoi tu veux t'insérer dans ma vie? Plein phare, pleine lune sur la ville. Flamme sort du pot d'échappement quand je navigue. Elle est prête de vous le faire sur le parking. Plein phare, pleine lune sur. Plein phare, pleine lune sur la ville. Flamme sort du pot d'échappement quand je navigue. Elle chauffe, mon cœur sur le parking. Plein phare, pleine lune sur la ville. Y'a des bords dans la caisse de la drogue dans nos veines, tu m'appelles, j'ai pas de réseau. Digital over, m'en parler de ton number, j't'amène à la maison. Bébé, j'marque les buts, j'fais les passes décisives. Rien à gratter de plus en plein au-dessus de cette ville. Ici bas, j'suis qu'un homme face au 666. Le monde est bien trop grand pour qu'on ait qu'une seule vie. Y'a comme un filet. J'suis défoncé, j'suis dehors de la ville. Toi plus moi, deux grammes dans ta béné. Fais pas des gimmicks, j'suis devant ton bulletin. Oulala, rejoins-moi juste pour la night. Pirelli Yokohama, t'es mal rayon gamma. J'illumine la ville, mamie. J'demande pas comment t'es Lyama. Demande pas comment j'gagne ma life. Dehors c'est des malades, laisse-toi planer toute la night. Y'a des bords dans la caisse de la drogue dans nos veines, tu m'appelles, j'ai pas de réseau. Digital over, m'en parler de ton number, j't'amène à la maison. Bébé, j'marque les buts, j'fais les passes décisives. Rien à gratter de plus en plein au-dessus de cette ville. Ici bas, j'suis qu'un homme face au 666. Le monde est bien trop grand pour qu'on ait qu'une seule vie. J'reviens comme ton papa. Vraiment fait doucement babe. T'as les idées à l'envers, tête en bas, cul en l'air. Bouillant, digital comme un Shibuya. J'suis devant toi mais j'suis ailleurs. Au même moment, bébé m'en veut pas bien. Toi on sort du brouillard. Mes frères recherchent millions de dollars au nada. J'essaie, j'risais, mais ces négros veulent toujours pas comprendre. Tu sais, je le sais, mais nos cœurs se serrent. Le temps de se. Y'a des bords dans la caisse de la drogue dans nos veines, tu m'appelles, j'ai pas de réseau. Digital over, m'en parler de ton number, j't'amène à la maison. Bébé, j'marque les buts, j'fais les passes décisives. Rien à gratter de plus en plein au-dessus de cette ville. Ici bas, j'suis qu'un homme face au 666. Le monde est bien trop grand pour qu'on ait qu'une seule vie. Je marque les buts, je fais les passes décisives. Et vous êtes de retour, enfin toujours dans les bons crus. Une petite virgule Travis Scott pour le Travis Scott français. C'est ça. T'es coquin. Les clins d'œil, les clins d'œil. Coquin. C'est cocasse. Bon, bah Lélo, voilà. Vous avez de quoi, quoi diguer ou écouter. On va passer à la suite. Donc, t'avais repéré une sortie, Julien. Ouais. Ski Mask The Slum God. Exactement. Assez peu connu en France, hein. Ouais, pourtant il avait fait un énorme projet qui a cartonné aux États-Unis. Tu regardes sur Spotify, j'étais d'ailleurs hyper étonné. C'était des, je crois qu'il a, tu vois, c'est top titre, tu sais, qu'il y a sur Spotify. Ils sont à 100, entre 150 et 200 000 plays. C'est énorme. Enfin, tu vois, pour un mec qui est pas trop connu. C'est les morceaux qu'ils faisaient avec XXXTentacion. Ils avaient un groupe commun en fait. Ils ouais, avaient un mais projet pas, commun. Ouais. Pas que sur l'album, tu sais, que t'as bien aimé, là où il est un peu habillé, tu sais, on dirait que c'est une gravure. Ouais, Stokely, ouais. Ouais, voilà, où il a, c'est la pochette, c'est un peu comme c'est un Napoléon en fait. Hein, ouais, c'est ça. C'est, ouais, son, c'est un buste de Napoléon. C'est son début d'album là qu'il a sorti ouais, en 2018. Ouais. Moi, je l'ai découvert sur le tard, hein, genre là, en 2019. Bah moi je l'ai découvert là quand il avait sorti le morceau là, comment il s'appelle déjà, que j'ai mis avec le morceau qui, enfin oui, Carbonated Water, donc ça c'est le dernier truc qui est sorti. Ouais, et non. Et le morceau que tu voulais passer, c'est parce que je me rappelle jamais des noms des morceaux, je suis nul. C'est putain. You Will Regret. Ouais, You Will Regret. Non, Take non. A Step Back. Donc, ouais, voilà, c'est ça, avec XXXTentacion. Voilà, ça c'est un truc qui est vieux en fait, qui date ouais, de l'époque où ils avaient un groupe ensemble. Voilà, c'est ça. Avant bien sûr. Mais c'est un jeune, hein, il est né en 96 et c'est un mec de Floride, c'est un mec de Miami. Ouais, c'est enfin, ça, il est ouais, de Fort Lauderdale, pour ceux qui sont déjà allés, c'est juste à côté de Miami, c'est une ouais, banlieue de Miami. Alors franchement au début, j'entendais parler de lui, je ouais, l'ai tout de suite associé bah, à XXXTentacion. Ouais. Et je me suis dit, ah, c'est encore un mec qui va chercher autre chose que le rap et un peu mumble rap, tu vois, je l'ai mis dans cette case de ouais, mecs qui savent pas rap. Pas forcément rappé ou qui vont chercher des trucs hyper émo ou tout ça, alors que pas du tout. Pas en du fait, tout, non, pas du tout. Tu sais que son père était un rappeur, hein, un rappeur connu apparemment. Alors je sais plus quel rappeur. Et c'est un pote d'enfance, enfin de jeunesse, on va dire, XXXTentacion. C'était son pote. Ouais, à l'âge de 15 ans, ils se sont rencontrés. Donc c'était plutôt. Voilà, et ils avaient deux styles totalement différents. Bah ouais, et leur crew c'était Very Rare, c'est ça. J'ai plus le nom en tête. Si, Very, Very Rare. Rare, enfin très rare. Ah, okay. Et après, ils en ont fait un deuxième qui s'appelait Members Only. Voilà, moi je pensais à ça, Members Only. Ouais, mais son premier c'était Very Rare et le deuxième Members Only. Et donc là, bon, après finalement il a sorti un projet solo et c'est là que j'ai découvert un mec en fait qui est technique en fait, qui s'est rappé. Ah, et genre, il a fait la couverture des Freshman XXL, donc c'est un magazine qui chaque ouais, année. Présente genre les rappeurs à suivre, en gros c'est ça l'idée, ouais, et il faisait la couverture avec tout un tas de rappeurs et c'est vrai qu'au fil des années, parce qu'il y a une tradition, c'est un cypher, donc un freestyle sur un beat où ils sont tous en cercle quoi, au fil des années, bon bah vu qu'il y a moins en moins de rappeurs qui ont cette culture du freestyle et de rapper voilà, sur des instrus un peu à l'ancienne, ils le font pas. Et lui, ça a été un des rares à le faire, et il l'a fait avec G.I.D. G.I.D. c'est le mec, ouais, G.I.D., on le mec hyper technique qui découpe et tout. Et franchement, quand je l'ai regardé encore tout à l'heure la vidéo parce que ça m'avait marqué. T'as G.I.D. qui arrive, genre il récite le dictionnaire, tu vois. C'est c'est genre le petit rappeur mathématique, rime, tout ça, enfin. Et l'autre, il est limite impressionné et tout. Genre t'as l'impression qu'il va le chier dessus, quoi. Ouais. Mais il arrive, il y a même plus de beat. Et il déchire en fait, il fait un truc qui est vraiment hyper stylé. Si G.I.D. était pas passé devant, genre, il passerait pour le boss, tu vois. Ouais, ouais, non mais il est chaud, hein. C'est franchement, et en même temps, il est chaud, mais en même temps, il reste aussi dans la vague des mecs qui utilisent bien leur voix, des intonations, qui vont chercher des flows et des prods. Genre, moi j'aime bien quand il est sur des prods de. Chasing Money, attends, Chase the Money. Chase the Money. Ouais, Chase the Money. Mais après, tu vois, c'est une autre. Tu sais, parce qu'à Miami, t'as donc du coup la vibe funk, machin, qui est beaucoup présente, et puis, enfin, qui était peut-être un peu moins maintenant, et t'as ce mec-là, et ces genres de mecs-là qui font une autre vibe, tu vois. Très lourd. Rap de Miami, ouais, ouais, franchement. Donc là, le single, c'est Carbonated Water. Donc, pardon pour l'anglais, je bafouille. Très bon single. Là, ça fait deux ans qu'en fait, il a rien sorti depuis l'album. Ouais, depuis l'album, rien. Et là, c'était son single, j'ai trouvé vraiment réussi. Ouais, grosse basse, c'est les sons que t'aimes, ça. C'est... Ouais, non, franchement, j'ai kiffé même. Basse saturée et tout. La façon de rapper et tout, j'ai bien aimé comment il se pose dessus et tout, je trouvais ça lourd. Du coup, on va vous passer un peu ce dernier single. Et puis, donc, je vous recommande l'album Stokely. Et on va aussi passer. T'avais choisi un morceau. Voilà, il y a Faucet Failure de l'album. Ouais. Et il y a Take a Step Back dont tu parlais en featuring avec le regretté XXXTentacion. Yes. I'm posted. Pummeted from the solar, yo. Put me on your gums, oh, okay. You can still get jet like cactus. Go to next dose of my necklace. I'll be on my sapphire shit, smoking the cactus. Rest in peace, that's funny, we don't forget shit. Hey, okay. Bitch, yo, motherfucker, I be blacking out, be matching out. The color of my whips, so be backing out. Up under time, my money ain't really perpetual. The nigga got no spine, we call him a vegetable. Your bitch call me tic tac toe, she get the X and O's. Hers and kisses for one night on my little boat. Look at the top of my head, horns grown gold. Build another science, that Philly white lab coat. I'm a nicotine soldier, state drink cyanide finger. Fuck up my love, fuck four leaf clover. Break the world over, I'm ready to die tonight. Been had chips with the ice, that on my shoulders. Carbonate water, nigga been popping like a cherry coke soda that I shook in October. What it would told you to make you bend under pressure like fucker was a folder. That mean I shoot backwards, backwards. That mean I shoot. Okay, slip the throw the bitch. Had slaughtered. Push to make sounds like an otter tailing water. Life trying to hit me like it was a driver. Lucky they ain't all niggas learn to play Frogger. Yes, trying to lick her. I'm a eggnogger. Trying to geek weird. Messy, no soccer. SpongeBob, Pat, Gary, I'm a slimy motherfucker. Looking for a fairly odd mother like my name Crocker. Green goblin, love the Grinch, stealing out stocks. Harder than some chicken grease, pop stove, made Crocker. On the teeny bob, pull it like a diaper on the top. Rich strong like a linebacker, Brian Urlacher. Oh, whistle hip party. I'm very conspicuous, baby. Up because that I'm the type to be a martyr. Death before it's on. Keep a blade on me. I'm the type to give the heebie jeebies to the Holy Father like. David Jones locker, yeah. Race wetter than fuck a flounder. Can you pretty please pass me the tartar? Wearing so authenticity, need to have more. Niggas finesse in the swag bag, and you bought it. Yo. Okay. I'm a nicotine soldier, state drink cyanide finger. Fuck up my love, fuck a four leaf clover. Break the world over, I'm ready to die tonight. Been had chips with the ice that on my shoulder. Carbonate water, nigga been popping like a cherry coke soda that I shook in October. What it would told you to make you bend under pressure like a fucker was a folder. Money, my order, so sis, man. Fans must be something in the fuck floor. Damn me, I shoot backwards, backwards. Damn me, I shoot race. Whoa. Chase the money, chase the money. Bitch, be for real. Let's make a deal. Bitch, be for real. Here's your waffle pill. Okay. Let's make a deal, rubble still skin. She wanna see my purple pickle up in the wind. Okay. Sean, cut us off, bitch, get in. And if your nigga don't like me, hit chinny chin chin. Huh. Bitch, I'm hotter than a pepper, no mint. Huh. Big stepper, no stilts, big tilt. 1K, bought my bitch a new kilt. Yeah. New skirt, ice skirt, big drift. Yeah. New grills, 10K, big lisp. Diamonds dancing on my fist, no disc. Give me lips, rock band like Kiss. Remember days, me and X hitting lick. One side of melon, we hit a lick on your bitch. I'm a good fella, missing my gel up my kick. I am false a failure, my nigga, I got drip. Ashing on your bitch, this that Pokemon trainer shit. Who's this? He should be in cockpit. Cause I'm flyer than a fucking ostrich. Okay. On my word, that bitch won't give me polish. I'ma put my foot up in his socket. Who's this? He should be in cockpit. Cause I'm flyer than a fucking ostrich. On my wood, that bitch won't give me polish. I am constructor, that bitch, I demolish. Ay. Yes, gift me a girl from Disney and a Happy Meal. Pretty, please don't jip me. On on the fries, on the guys, McDonald's cause they still selling pies, just bought a new suit, got my upties, said he won't beef, pull up five guys, yes I'm fire, a little different like pumpkin fries, hold up, where's my weed guys, $1,000 we hit a lick on your bitch, I'm a good fella, missing my jello, my kick, I am false a failure, my nigga, I got drip, ashing on your bitch, this that Pokemon trainer shit, who's this, he should be in cockpit, cause I'm flyer than a fucking ostrich. On my word, that bitch won't give me polish. I'ma put my foot up in his socket. Who's this? He should be in cockpit. Cause I'm flyer than a fucking ostrich. On my word, that bitch won't give me polish. I am constructor, that bitch shot the malice. Hey. Yeah, baby. Ferris Bueller. Remember, so we get it, baby. Yeah, baby. I'm with Ryan Santana in the motherfucking booth. Yeah, baby. I got blood on my boots, baby. Yeah, baby. Yeah, baby. Throw that ass back on a tricycle, baby. Yeah. Curious George, nigga looking boy, you so pussy, yeah. Yeah, hit my line for the nigga dick, check my Twitter, yeah. They call me Young Dagger Dick, that's my handle, yeah. She grab on my dick like a handle, hey. Little bitch, I got on Jesus sandals, hey. X is an animal mammal, hey. Little bitch, got the back of a camel. Pussy boy, you look like a Randall, yeah. Pussy boy, you look like a Daniel. Bitch, I'm known to get dosed any family. And if you don't throw that pussy, throw a train, yeah. It's Noah's Ark, that pussy wet, no water park. She said drop that meat in me just like a shopping cart. Told me head straight to the back just like I'm Rosa Parks. Walked up in the bank with pack that smelled like donkey fart. Muscat poison dagger, ayy. Fuck my conscience, I'll stab you. Come here. Ask that hoe what's wrecking. Slide up on a nigga like a care package. Ayy. Bearing that pussy like Smokey. Chain swing like rodeo ropey. Diamonds so wet that they soapy. Watch them mingle like they do the hokey pokey. Okay. Tag your color diamonds, Humpty Dumpty horror story. Ayy. Feel like Dexter got double D's in my laboratory. Ayy. Eating with the sweet sour sauce like a 6-piece sauce. Free me from the cops, free kiki. Goodbye like a Ouija. Bye bye. Et on détend l'ambiance après cette petite guerre. Oh putain, ça c'est la bagarre. T'écoutes ça, t'as envie de claquer des mecs qui te cassent les couilles directement. Donc voilà, donc c'était Ski Mask avec XX. On va passer à un artiste que tu m'as fait découvrir là. Grosse découverte, franchement, Lil House Phone. Ouais, il est quand même pas très connu. En fait, je vous explique comment je l'ai découvert. C'était il y a un an. Et je suis allé dans mes, sur Insta. Et tu sais, quand tu vas dans la loupe, ça te donne des trucs. Alors, si je me trompe pas, avant c'était ça, alors je sais pas si c'est toujours ça. Des suggestions que des gens avec qui t'es abonné aiment. Ouais. Et en fait, il y avait un mannequin qui je sais plus qu'est-ce qu'elle faisait, une blague quoi, tu vois. Et en fait, il y avait ce son derrière, le son Tokyo Goons, et je connaissais pas du tout. J'ai mis la story et j'ai entendu le son, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est. Donc en fait, je m'en foutais de ce qu'il y avait, ce qu'elle faisait une blague ou je sais plus quoi, enfin un truc. Ouais. Et ce morceau, j'ai cherché. Et du coup, je l'ai découvert sur le tard. Après, c'est quand même pas un artiste hyper connu, puisque, mis à part Tokyo Goons, qui a fait 2 millions de plays, le reste, c'est moi, j'ai jamais entendu 25, parler, hein. 30 000, 60 000 plays, c'est déjà beaucoup. Hein, mais, ouais. Et puis, il y avait un autre morceau qui s'appelle Telefono de Casa, qui avait fait 400 000 à peu près. Enfin, bref. Donc lui, c'est un rappeur d'Atlanta, si... Non, c'est un Californien. Ah ouais? Ouais, c'est un rappeur californien. Il a grandi... Enfin, sa ville, c'est... Hawthorne, H-A-W-T-H-O-R-N. Ok, d'accord. Je ne connais pas du tout, bon Dieu. Et il s'est connecté avec un mec qui s'appelait en fait Adam 22, qui était pas loin de chez lui. Et il l'a fait rentrer dans pas mal de soirées de LA, où il faisait pas mal de hosting et tout ça, pour des soirées sur LA. Et en fait, il a sorti un premier album en 2016. Donc, c'est pas tout jeune, quoi. Mais c'est ce titre Tokyo Goons. Ouais, et c'était Voicemails, le nom de la mixtape, si je dis pas de bêtises. Ouais. Non, c'était celle-ci, c'était ça, c'est celle de 2017. Voicemails 2. Allez. Ça c'est 2017. Mais la toute première Voicemail, c'est en 2017, là où il y a ce morceau là-dessus. Et okay. Son tout premier truc, c'est 310 973 XXXXX EP. Voilà. Après, un numéro de téléphone quoi. Ouais. C'est un mec qui fait plutôt beaucoup beaucoup beaucoup de bagarres. C'est très bagarre. Et il a pas du tout, je trouve, le côté Los Angeles pour le coup. Enfin, là, ouais. Donc là, il a sorti un album. Il a sorti un album. Big Phone, ça s'appelle. Ouais, Big Phone avec la pochette, elle est incroyable. C'est un téléphone avec des pistolets laser qui défoncent tout, quoi. C'est un téléphone à l'ancienne, ceux où il y a le cadran et tu tournes avec le doigt, quoi. Ouais, et qui défonce tout un peu la Star Wars au final, tu sais, un peu le côté Sith, tu sais, qui a les lasers rouges et tout. Non, franchement, c'est cool. Donc, je l'ai écouté cette semaine, là, tu me l'as envoyé. Et franchement, c'est des grosses basses saturées. Ouais. Mais c'est 12 tracks. Ça bande, quoi. C'est vraiment du truc. C'est assez condensé. 12 tracks, 29 minutes. Donc c'est vraiment condensé. Et il a sorti ça le 31 janvier. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et franchement, je l'ai écouté. J'ai passé un bon moment. Et quand tu m'as dit pour la récolte, je me suis dit, bon, allez, lui, franchement, j'ai kiffé. Du coup, on vous passe le morceau Slurp Me. Donc ça, c'est issu de l'album, et pour ceux qui veulent aller plus loin, le fameux Tokyo Goons. Avec un sample, on dirait, alors je peux me tromper, mais on dirait, tu me diras ce que t'en penses, je sais pas si tu l'as écouté le morceau du coup. Tokyo Goons, je crois, ouais, je l'ai écouté. Mais c'est un sample, on dirait une voix française, tu sais, mais qui est... Genre de musique française à l'ancienne. Je sais pas, franchement, je peux... Il y a je te dis après 95% de chances que je me trompe, hein, je le dis, mais moi, des fois, tu sais, même quand t'écoutes les rappeurs américains, si t'écoutes le yaourt, des fois tu te dis, putain, il dit des trucs en français, c'est chelou, tu vois. En fait, pas du tout, mais bon, voilà, c'est pour ça que je crois que le sample, c'était une voix comme ça. Allez, c'est parti. Caliber. Whoa, yeah, it's some off-white jeans with an off-white bitch. Spark my weed, then I park my whip. Keep it low-key so the dogs won't sniff. Got 22 P's and they all gon' shit. Psych, nigga, I ain't really trapping out shit. Psych, nigga, I ain't never rap no brick. If you wanna fight, nigga, you'll get hit. My shooter a dyke, but she not no bitch. I ain't even on and they on my dick. Leave me alone, don't come out the crib. Only small ace, on blow no zip. Smoke too much, then the nigga gon' trip. Nigga gon' geek, niggas start spazzing. I'm with a bitch and she just got arrested. Fucked on that booty, it felt like plastic. It didn't move when I reached out to grab it. Why these niggas mad at me? Cause my t-shirt from Blasey, okay. And my new bitch so classy. Gave her a perk and she feelin' so nasty. I'm in her booty like enema. Call me Larry, I'ma get her done. Write my dick, tell her giddy up. She gon' suck me till I finish up. I got a hand job in the cinema. I got my stick so I'm not out with the tricky stuff. Licked her pussy with sticky stuff, and she still couldn't get me up. Shorty tweaking our colada pen. Young nigga with a lot of bands. Shake some bitch, pop it then. If I pass a perk, bitch, pop it then. You know these motherfucking bitches out here getting freaky for them pills nowadays, man. You already know to pass that bitch a motherfucking perk and see how she work, man. These bitches dropping draws for the withdrawal. Yeah. Hey, she gon' slurp me for the perky, top me for the oxy. Out in public while I'm drunk, I'll call a Rossi. Slurp me for the perky, top me for the oxy. Out in public while I'm drunk, I'll call a Rossi. She gon' slurp me for the perky, top me for the oxy. Out in public while I'm drunk, I'll call a Rossi. Slurp me for the perky, top me for the oxy. Out in public while I'm drunk, I'll call a Rossi. Okay, I'm drugged out in your function with my gun out. She see I'm up now, all these bitches wanna fuck now. I'm going up now, all these bitches say what's up now. Hey, I got dumb cloud, I ain't flexing, but I'm up now. She see my bracelet, got more chains than a slave ship. They say I'm brainless out in public with my stainless. I'm smoking dope, I'm taking off just like a spaceship. I'm smoking dope, I'm taking off just like a spaceship. Hey, why they hating? Why these pussy niggas hating? That gang shit, nigga, tell me what you claiming. These bitches basic, all these bitches, they so basic. She gave me brain, bitch, all I wanted was the brain, bitch. Okay, I lane switch, been a corner, spilling drink, bitch. She think I'm famous, so she sucking on my anus. I'm smoking cigs up in my Uber, that shit stankin'. I'm pulling up, I'm like, little shawty, what's your name is? Ain't got no Uber, so I finesse her for the lift. Don't give a fuck about no nigga or no bitch, I'm pulling up on these niggas talking shit. Might punch you in the lip, you ain't with the shit. Hit you with the clip. Okay, I'm drugged out in your function with my gun out. She see I'm up now, all these bitches wanna fuck now. I'm going up now, all these bitches say what's up now. Hey, I got dumb cloud, I ain't flexing, but I'm up now. She see my bracelet, got more chains than a slave ship. They say I'm brainless out in public with my stainless. I'm smoking dope, I'm taking off just like a spaceship. I'm smoking dope, I'm taking off just like a spaceship. Là, j'ai ressorti toutes les virgules qui mettent l'ambiance. Ouais, mais en même temps, ce morceau, j'attends toujours Migos hein, sur un nouveau projet. Ouais, et donc la réflexion que tu me faisais en écoutant le morceau, là, c'est que sur le précédent, il n'y a qu'une basse, ouais. Y a quasiment pas de mélodie. Une basse, un beat. Ouais. Mais et presque comme celui avec XXXTentacion. Ouais, qu'on a écouté et, juste avant. Ouais. Et Ski Mask. Mais ouais, ça se fait beaucoup maintenant. Après. C'est ça ambiance, hein, finalement. Ouais, c'est des gros sons d'ambiance, c'est exactement ça. On va passer à un artiste d'Atlanta cette fois, Young Nuddy. Yes. Donc il vient de sortir un album, là, ça s'appelle Anyways. C'est une expression qu'il utilise beaucoup dans ses morceaux. Donc Young Nuddy, moi, en fait, j'ai découvert avec le podcast Fusil à pompe. Ah oui. De Pure Baking Soda et ses acolytes de Fusil à pompe, donc c'est un petit collectif. Et ils en parlaient très bien et il m'avait donné envie d'écouter une mixtape qu'il a sortie. En fait, l'année dernière, il a sorti deux projets. Faded in the Booth, donc c'est une mixtape, et un album avec Pierre Bourne, le producteur dont je parlais il y a deux semaines là, dans l'émission. Pierre Bourne, il s'est fait connaître avec Playboi Carti, enfin plein de mecs comme ça. Ouais. Et en fait, le premier mec avec qui il a travaillé, c'était Young Nuddy. Ok. Et bon. Donc l'année dernière, il sort un truc sur lequel il y a pas mal de featuring. Il y a notamment Megan Thee Stallion, il y a DaBaby, enfin voilà. Il sort le gros truc. Et en fait, ce qui était mieux, c'était sa mixtape Faded in the Booth. Où en gros, bah, c'est exactement ce que dit le titre, il est défoncé dans le studio, quoi. Et c'est un rappeur hyper nonchalant. Et ça rappelle un peu son cousin, 21 Savage. Mais alors, est-ce qu'il est anglais comme 21 Savage? Non. Alors, ce qui est drôle, par contre, c'est qu'ils se sont fait arrêter tous les deux en même temps. Ah, et l'autre était américain? Ouais, donc lui, il n'a pas eu des problèmes pour les passeports et tout ça. Il n'a pas eu les mêmes problèmes que 21 Savage, mais ils se sont fait arrêter exactement en même temps. Mais on en parle lui, plus. C'était plus pour des ports d'armes. On n'en parle plus de cette histoire de passeport. Bah, je pense que ça s'est réglé. Enfin, il avait de quoi se payer des bons avocats. Enfin, je pense que ça s'est réglé. Après, est-ce qu'il est... Mais quel est le problème avec tous ces rappeurs? Ils se font toujours arrêter dans des aéroports avec de la drogue et des flingues. Mec, tu sais pas que tu vas te faire contrôler. Je regarde, Joel Santana, il est en prison, là. Ouais, mais c'est débile. Mais après, c'est peut-être que... Voilà, non, mais ils sont bêtes. Ils sont tout simplement peut-être bêtes. Qu'ils vivent vraiment ce qu'ils racontent aussi et que c'est ouais. Pas comme en France, quoi. Ouais, ouais bah, ça, j'en suis convaincu, mais après... Donc voilà, là, il sort un projet qui est assez long, Anyways. Je sais plus combien il y a de morceaux. Il y en a plus de 20, je crois, en fait. C'est quand même long. Mais... non, en fait, il y en a que 16. Mais en fait, à un moment donné, sur le morceau Deeper Than Rap, ça décolle, quoi. D'un coup, ça part. Donc moi, ce que j'aime bien chez lui, donc il est très nonchalant comme 21 Savage, mais c'est pas le même style. Il y en a un qui est plus dans le côté morbide, et lui, c'est plus le côté hyper blasé. Et c'est marrant parce que pour un mec blasé, t'as l'impression qu'il s'ennuie et tout, qu'il s'ennuie de ce qu'il raconte, mais en même temps, il va chercher des mélodies et il te rentre dans la tête comme ça. Et est-ce qu'il marmonne comme 21 Savage? Non, je dirais pas qu'il marmonne. Par contre, parfois, il chuchote un peu, tu vois. Ah, donc c'est rappeur qui chuchote. Ouais, c'est ça. C'est plutôt rappeur qui chuchote, ouais. Mais tu vas écouter là sur Deeper Than Rap. Et ah ouais, mais de toute façon, après, quand on part, je me c'est très simple, mais. Mais voilà, si tu veux écouter, si tu veux commencer, moi je te conseille Faded in the Booth. Ok. Défoncé dans la cabine. Voilà, tu commences par ça, donc là tu vas découvrir le personnage. Après, il y a le projet qui vient de sortir, et puis il y a le projet avec Pierre Bond qui est quand même cool. C'est le. Il y a des bons featuring et tout. Voilà. Cool. Mais. Voilà ce qu'il y a à savoir sur lui à peu près, c'est un rappeur à suivre. Je trouve que dans ce qui se fait à Atlanta, pour le coup, lui, c'est assez unique. Ah ouais, autre petite anecdote, il est de la même rue que Gucci Mane. Ah bah, il peut être bon. Voilà. Et toujours Zone pas de... 6, voilà, ouais, c'est et à toujours savoir. Pas de featuring avec Gucci Mane. Je sais pas s'ils en ont fait, je sais pas du tout, j'en ai pas entendu. D'ailleurs, on a un morceau de Gucci Mane, un nouveau morceau de Gucci Mane, d'ailleurs. Qui est sorti, que j'avais mis dans ouais, la... Ouais, tu l'avais mis, mais si bon, on parle tout le temps de lui, on verra juste après. Si on a le temps, on a d'autres morceaux, ouais. De toute façon. Mais voilà, donc Young Nuddy, bon, il avait sorti plein de projets avant, et souvent sur des frères, des prods de Pierre Bourne, aussi un peu Metro Boomin. Mais voilà, là c'est très lourd, là il est avec des producteurs qui sont des proches à lui et qui sont un peu moins connus. Yes. Allez, on écoute donc Deeper Than Rap. Ok, yeah. Shit deeper than rap, yeah. I done seen a lot of niggas fall off trying to play with the trap, yeah. Yeah. Shit deeper than rap, yeah. Send them right your way, you know that they smash it, yeah. Okay. Anything for that money, I go down, down. Special down, down. Sipping these drugs, I'm pissing out the red. All of the green, you know that we selling that. Smoke the whole time, we don't do the pity pack. It ain't my money, the nigga not hearing that. All of that money, you know that I'm getting that. Trapping and robbing and rapping, I'm getting that. Fuck on your bed, now you have your feelings back. Beefing by bitching, man, I'm not into that. Internet if it take, I'm not into that. Talking about smoke with me, nigga, we killing it. Busting my gun, man, I hope that you shoot it back. Don't bring no doo doo, chopping no child play. Shit deep in the rap, yeah. I seen a lot of niggas fall out, try to play with that trap, yeah. Shit deep in the rap, yeah. You keep a scrap, yeah. You bust somebody, you know you better not say that, might get locked up. Shit deep in the rap, yeah. Your bitch don't fuck your partner, so you mad about it. Don't have no feeling about it. Just gon' fuck another bitch. Yeah, shit deep in the rap, yeah. Gotta make money, them hoes gon' ask for it. When you got them drugs, a country boy, you know you gotta tap for it. Shit deep in the rap. Ask about new, this shot to keep a scrap. Talking about robbing butter, that's a rap. And then right here, no rap count. I'm on about the shit, keep bitch scrap. I'm posted in the hood with your bitch on my lap. I'm 40 pussy nigga, chill like a napkin. Nigga know what's happening. Yeah, I'm a blood, you a blood. Nigga know what brag can't true. You know I get the smash shit right. Nigga know what's happening. So you won't smoke, then kept me in traffic. I'm getting money broke, niggas not happy. You talking about beef, you got me laughing. I be getting money, that is a habit. Send around your way, you know that they smash shit. Yeah, okay. Anything for that money, I go down, down. Special down, down. Ed, sipping these drugs, I'm pissing out the red. All of the green, you know that we selling that. Smoke the whole time, we don't do the pity pack. It ain't my money, the nigga not hearing that. All of that money, you know that I'm getting that. Trapping and robbing, I'm rapping, I'm getting that. Fuck on your bed, now you have your feelings back. Beefing by bitching, man, I'm not into that. Internet, if it's that, I'm not into that. Talking about smoke with me, nigga, we killing it. Busting my gun, man, I hope that you shoot it back. Don't bring no doo-doo, we chopping no child play. Number the chopper, you know how we play. We just like the Western, you know how we spray. If I was a cat, why they make me a K? I'm just like jump with this shit, I don't play. I don't need no nigga around me, I'ma spray. I been playing with guns, and I was like, hey. I got my full gun when I was 13. I fell in love with the Glock out of the beam. I got a lot of money standing my team. I got it in stock, what the fuck do they mean? They say that they fuck without cap on the scene. You play with a nigga, we murder your scene. And yellow text surrounding you and your team. I'm marginal when it's smoke, I blow the steam. You know I'm bitch lying, my wife get no clean. Finesse him out the money, sell him a dream. I sold him some sugar, he thought it was clean. You should've traded the pack before that you leave. Now I'm spending that money with my team. Everybody eat, gotta feed the team. I got the white, bitch, I got the cream. Long time coming, this shit was a dream. Big dog nigga like Martin Luther King. Raise my hand, they listen to me. I feel like Michael Mass when I got heat. On that Muslim, but they fuck the police. Fuck the crackers, hold them motherfuckers see. Then I came out a real nigga and a bitch nigga I can't be. And you know I bang big B. My power full of big C. Deep blue sea. I'm a shark in the water, jumping the bitch and I gotta eat. Yeah. Send around your way, you know that they smash it. Yeah, okay. Anything for that money, I go down, down. Special down, down. Ed, sipping these drugs, I'm pissing out the red. All of the green, you know that we selling that. Smoke the whole time, we don't do the pity pack. It ain't my money, the nigga not hearing that. All of that money, you know that I'm getting that. Trapping and robbing, I'm rapping, I'm getting that. Fuck on your bed, now you have your feelings back. Beefing by bitching, man, I'm not into that. Internet, if it's that, I'm not into that. Talking about smoke with me, nigga, we killing it. Busting my gun, man, I hope that you shoot it back. Don't bring no doo-doo, we chopping no child play. Number the chopper, you know how we play. You know the way you feel? When you start getting a lot of money, it's a lot of shit you don't even want to do no more. The money and all that shit, I swear to God, on everything. Yeah, where your hoe at? On me, strapped up fully loaded, send no shooters like on Tony. Okay. Y'all niggas don't want it. Nah, whole game we stay on it. Okay. Yeah, we stay on it. We stay on shit, it. We be on it. Bullshit, I condone it. Don't it. Y'all niggas don't want it. Nah. Y'all niggas don't want nah. it. Y'all niggas don't want it. Y'all niggas don't want it. Y'all niggas don't want I it. Y'all niggas don't want okay. it. Y'all niggas don't want Facts. It. Y'all niggas don't want yeah. it. Y'all niggas don't want nah. it. Damn. Y'all niggas don't want it. Y'all niggas don't want it. Y'all niggas don't want it. We coming like I'm cashed up. Oh yeah, bitch, you know I'm rich. Fucking time out. Bitch, you know I'm the shit. Fucking time out. Yeah, they don't want this shit. Y'all niggas don't want it. Y'all niggas don't want it. Y'all niggas don't want it. Y'all niggas don't want it. Y'all niggas don't want it. Y'all niggas don't want it. Y'all niggas don't want it. Y'all niggas don't want it. Donc on vient d'écouter toujours Young Nadi. Ouais, franchement, une belle découverte, hein, j'aime bien. Mais ouais. Ouais, c'est lourd. Des petites mélodies, tu vas voir, ça va te rentrer dans la tête. Si, ah ouais. Si t'aimes bien ce genre de rap un peu posé et tout. Ah, il est, des fois, il envoie quand même. Hein, il est, ouais, il est... ouais, mais ouais, c'est sûr qu'il rappe vite, il rappe bien, mais c'est aussi un truc où il met pas trop d'intensité, tu vois. C'est pas un... Tu compares à X6 de tout à l'heure où Ski Mask, ça n'a rien à voir. Quoi. Mais bon, moi j'adore. Voilà. Ouais. Coup de cœur du moment. Là, tu voulais parler d'un projet A-Team. Ouais, un donc, projet. En référence à l'agence Tourisque. Ouais, un super projet. Groupe. Ouais, exact. C'est un peu un super groupe. Enfin, c'est pas un groupe de star. Mais quand même, il y a Lil Kid dessus. Donc ouais. K-E-E-D. Il y a Lil Got It. Il y a également. Lil Yachi, qui est quand même plus connu déjà. Ouais, mais lui c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il sort plus trop de trucs en mode solo quoi. Ouais, il va peut-être revenir plus tard, je sais pas. Il y a un mec qui s'appelle Dean Finus et surtout le produit exclusivement et en entier par Zaytoven. Yes, ça on aime. Ouais, ça on apprécie. Et du coup, ça s'écoute bien. Bon après, faut aimer Zaytoven hein, parce que c'est vraiment là ici. Il y va pas par quatre chemins, c'est du Zaytoven, donc du coup c'est du bourrin. Enfin, c'est du, comme on aime, le beat qui remue là, qui bounce, un peu toujours la même chose et tout ça. Les petits pianos, les orgues, les petites mélodies à la Zaytoven et tout, machin. Tu sais, c'est pas des grosses basses, c'est des basses plutôt plus fines et tout, machin. C'est dans la délicatesse, mais ça groove, il y a un groove en fait, tu vois, il y a un groove. Donc faut aimer, c'est un peu un groove à la Gucci, machin, tu vois. Bah, attention, Zaytoven, il a bossé grave avec Gucci et avec plein de monde. Il a fait deux mixtapes. Où il a entièrement produit Future dessus. Et ouais, voilà. Ça fait un peu genre en mode piano bar, tu vois. Ouais. Un peu cet esprit-là. Très cool d'ailleurs. Donc là, le projet, j'ai écouté quelques morceaux, j'ai bien aimé quand je l'ai lancé. Ouais, bah en fait. Lil Got It, on m'en a dit du bien. Je me suis pas penché encore sur le. J'ai écouté quelques morceaux, je trouvais ça bien. Hein, donc le projet s'est sorti là, c'est sorti le 28 février, donc c'est très récent. Ouais. Écoute, on va l'écouter. Ouais, mais il y a quelques... Je crois qu'ils ne sont pas tous sur tous les morceaux. Il n'y a pas d'autres featuring très, très connus dessus, mais c'est, ils sont... Mais en fait, je crois que les... Attends, de toute façon, on voit sur la pochette, mais les membres principaux... Ils sont tous dans une voiture, dans la fumée, enfin... C'est exactement ça, au-dessus d'Atlanta. Ouais, voilà, exactement. Et ben écoute... Donc et on écoute le treat G5. Allez. I couldn't even breathe it in. I spent that money. Shots at her money. R.I.P. London. I'm getting some hundreds. I beat that back in. I'm getting them back in. I got your freak, ho, yeah. Come on and tag in. Your main hoe gay talk. Gucci flip flops. I got baby 40 on me. Shit, I pop shot. Got slimes that pop locks. Yeah, fucking these thoughts. I dropped on the G5 with a G5, you know what I'm saying? Let's go, let's go! Calling niggas, they get money, whoa. B-Y-N, they come and snitch your soul. You know we never worried about so-and-so. Got a slimy nigga, that's stealing from me, stole. Yeah, B-Y-N, faking all these niggas hoes. Say the 100 salt to the motherfucker, oh. Fake-ass nigga, B-Y-N, gonna expose. B-Y-N, my just snitching my slow. It's never been a worry. Stay down, running racks up in a hurry. When that's on this shit, and he cannot get discouraged. Why you acting gangster when you know that you're nerdy? Bitch, I'm on the same, moving slower than a turtle. She told me take it easy, but you know I wouldn't hurt her. I ain't mean to do it, y'all, they see him when I'm purple. tripping. Pass me the water, cause you know these bitches thirsty. When I say I'm dirty, bitch, I'm dirtier than ever. You know the slug that my twin know he slimy as ever. Nigga acting like they hard, but they softer than ever. Do I anything smart, bitch, you know I'm too clever. Slash, slash, slash, take your shit, won't get it back. There's nigga in the city, that's a fact. Turn around up, oh, that's my tech. Can I pull up on kinda if I ain't stamped that? Whoa, facts. I spent that money. Shots at her bunny. R.I.P. London. I'm getting some hundreds. I be that back in. I'm getting them back in. I got you free. Ho, yeah. Come on and tag in. Yo, main ho, gay talk. Gucci flip flops. I got baby 40 on me. Shit, I pop shot. Got slimes that pop locks. Yeah, fucking these thoughts. I dropped on G5 with a G5, know what I'm saying? Let's go, let's go. I'll be the one drop the bag on the ops. Yeah, I'll be the quicker one dead, call the cops. Ain't sweet, cause you little bitch get a drop. Scat pet, yeah, pay the tail on the rocks. DS, high fade, jet like Bart. Teach your legs, I spank, man, that boy. No stylist, drip off season. Yeah, I'm coming around, I'm flexing on bars. Soon I pop my shit, they thinking I'm wrong. Keep on coming, begging for money, I ain't gone. Tell them Boutron, on them bullshit, just leave me alone. Had a huge blow, 819, then cop two tone. I'm a drippin' the best, and I be running and going like I'm Casper. Yeah, I'm shitting on the fuck ass nigga. I need some pampers. You niggas too funny, remind me of Adam Sandler. Fuckin' a nigga, bitch, yeah, when I pull up on camera. I spend that money. Shots at her bunny. R.I.P. London. I'm get some hundreds. I be that back in. I'm getting them back in. I got you free, ho, yeah. Come on and tag in. Yo, main ho, gay talk. Gucci flip flops. I got baby 40 on me. Shit, I pop shock. Got slimes that pop locks. Yeah, fucking these thoughts. I dropped on G5 with a G5, know what I'm saying? Let's go, let's go. Vous êtes toujours dans les bons crus et on arrive à la fin de l'émission. Yes. Donc, dernière petite découverte, voilà, qu'on vous balance comme ça. Un rappeur de Périgueux. Il y en a peu. Il y en a peu, mais il en faut. Il y en a un maintenant qui sera connu. Il s'appelle Joy Sad. Voilà, il a un bon petit buzz là, en ce moment. Surtout avec le titre Chicha Pomme. Bon, c'est pas très original, mais franchement, il a un bon flow à suivre. Il a sorti un titre là, Hiver aussi, qui est pas mal. Donc, allez checker ça, Joy Sad. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Yeah. Fuck le boutin, j'lis des bouquins, j'saperai mon gosse chez Benetton. Petit prodige, tireur d'élite, un peu comme Dario Benedetto. Pour des proches de Mandalito, en tu veux tous mes aligots. Pour savoir si je casse le micro, assez bien, j'sais que c'est pas des mythos. Ouais, mes potes sont honnêtes, si c'est de la dé, j'prends un claqué au sol. Mais les potos sont pas fous, c'est juste pour qu'on puisse bientôt claquer les sommes. Ouf, pour claquer les sommes, faut taper fort que les claques résonnent. J'sais que c'est affreux, abominable, mais désolé bébé, c'est pas moi, c'est les hommes. Aïe. Pas moi, c'est des hommes qui font du ça, je le raconte dans mes sons. J'suis pas un bandit, on posera pas de problème, on baisera, elle est accrochée dans ma maison. Grosse chicha à la pomme, chicha frotte-moi la pomme d'Adam. Des sous, ouais, j'en ai des tonnes, mais bébé, faut que tu lances avant. Chica, chica, roule un con, chica, roule-moi un con d'avance. Méga vol se sécher la gorge, pour sortir le miel, on fume avant. On fume des trucs, tu vois des trucs que t'as jamais vu auparavant. Tu vois des sourds, un gang d'anciens, dédicace à Sophie d'avant. SOS, SOS, j'crois que ta famille a besoin d'eux. Y'a ta rose, y'a ta rose, qui voudrait que je la berce en un deux. Prends la laisse. Ta chaîne de sœurs veut me dévorer. Où est les S? Je vous les laisse. J'ai le cul de ma meuf à picorer. Je vais lever l'angle, j'ai la France à faire danser. Une série de freestyle pour commencer. L'équateur ne m'envoie tout tes pieds en pensée. Pour faire mouiller la tocha de ta fiancée. Trop d'idées, je m'éparpille. J'ai des milliers de flow et une tête de crapule. Je vois que tes yeux s'écarquillent. Viens dans mon univers faire un tour dans ma bulle. Je me souviens de la cruauté des jeunes pour un regard sa petite. Je suis loin de tout ça, je me suis barré des bails. Je refais le monde avec Titi. Vraiment continue, c'est cool, tu vas peur, c'est génial, c'est ça qui dit. Mais j'ai rien trouvé pour me différencier. À part mes vœux, je t'en se bis bis. J'articule plus, c'est pas français, mon métier est une sous-culture. Prendre les oreilles de Yann Moix, c'est le faire danser, c'est dans mes projets à venir. Au max ou descend, descend, déjà longtemps qu'on t'attend. Le C1, un cadeau à poser sur ta tombe. Nous on parle pas, on tape un frontal, seul, tu respires, mais au fond, c'est tout ce que t'as le seum. Leurs sons sont cool, mais leurs textes sont pauvres. J'écoute deux minutes, après je mets sur pause. Tellement rien à dire, je connais tous tes potes. Ta vie se résume à Ken et à prendre des profs. Je bosserai en vitesse éclair, je me fais pas de soucis, mais je change tous vos pronos. 1010 fois dosé pour jouer sa dé, je vais franchir la ligne et peut-être tous vos chronos. J'ai la rage, je couille la puissance de Sima, la sade fait du bruit, on se verra dans 6 mois. J'ai un peu peur de l'amour car l'amour fait mal, mais j'ai pas peur de la mort car la mort c'est moi. La mort c'est moi, j'ai pas peur de la mort car la mort c'est moi. La mort c'est moi, la mort c'est moi. La mort c'est moi, la mort c'est moi. La mort c'est moi, la mort c'est moi. La mort c'est moi, la mort c'est moi.